Ils sont tous bons quand ils sont morts. Ils étaient cons, aujourd'hui ils sont forts. Ils sont tous bons quand ils sont morts. Ils étaient nuls et voilà qu'on les a tués. Nous sommes aujourd'hui réunis, chers amis, pour célébrer le passage au paradis de notre digne représentant de l'espèce humaine, un important. On ne vous dira pas tout le mal qu'il a fait à autrui. On ne vous racontera pas les vols qu'il a commis. On ne vous parlera pas de la merde qu'il a semée derrière lui. Car ils sont tous bons quand ils sont morts. Ils étaient cons, aujourd'hui ils sont forts. Ils sont tous bons quand ils sont morts. On parlera plutôt des faits d'armes de ce bien-aimé. On vous rappellera tous les pauvres êtres qu'il a aidés. On vous dira quel être dévoué, charitable et aimable il a été. Car ils sont tous bons quand ils sont morts. Ils étaient cons, aujourd'hui ils sont forts. Ils sont tous bons quand ils sont morts. Ils étaient nuls et voilà qu'on les a tués. Ils sont tous bons quand ils sont morts. Ils étaient cons, aujourd'hui ils sont forts. Ils sont tous bons quand ils sont morts. Ils étaient nuls et voilà qu'on les a tués.